Cette comédie de Shakespeare, intitulée « Le marchand de Venise », se déroule en deux endroits, à Venise, bien sûr, et à Belmont, dont j'ai recherché en vain la localisation et l'existence. Mais Belmont est dans les environs sans doute plus ou moins lointains de Venise. Petits rappels historiques. Nous sommes au début du VIe siècle. On se souviendra que Venise est alors l'une des principales puissances maritimes et commerciales de l'Europe et qu'elle est gouvernée par un doge, assisté du Conseil des Dix. Et c'est ce Conseil des Dix qui, au début du VIe siècle, a obligé les Juifs à se regrouper dans le ghetto où ils étaient enfermés de nuit, comme il l'était déjà dans bien d'autres endroits en Europe. Venons-en à la comédie elle-même. Bassanio, un jeune Vénitien, désire se rendre à Belmont pour demander la main de Portia, une riche héritière. Mais, désargenté, Bassanio veut emprunter à son ami Antonio 3000 ducats, une somme colossale quand on sait que le gramme d'or vaut en mars 2016 35 euros et qu'un ducat contient 3,44 grammes d'or, cela nous fait 360 000 euros. Mais cette somme colossale, le riche marchand Antonio ne l'a pas sous la main. Il devra l'emprunter à Shylock, un usurier juif vers lequel Antonio envoie Bassanio. Bassanio vient donc demander à Shylock les 3000 ducats avec la caution d'Antonio. Même si les richesses de ce marchand sont à la merci du commerce maritime, Shylock estime Antonio fiable et solvable. Antonio arrive alors chez Shylock et, en aparté, l'usurier dit ce qu'il pense de ce marchand.